Pour le thème 1, moi j'ai pensé que Macron. Salut les amis. Salut Charline. Sinon, pas le bon, alors. Viens, viens, Charline, on cherche les thèmes. Si t'as pas d'idée, c'est pas grave, viens, viens. Non, mais c'est mon retour là. Moi j'étais pas là la semaine dernière. Ah bah t'étais pas là la semaine dernière. Bah non, non. Bah t'étais absente toute la semaine. Bah oui, je me suis reposée pour revenir en forme, diriger l'équipe. Super, mais viens, on réfléchit au thème. Bon, les filles, vous vous êtes quand même rendu compte que j'étais pas là la semaine dernière. Bah maintenant que tu le dis, oui. Ah bah ça, là. Mais ça, bon, c'est qui l'invité là? Gunther Love, double champion du monde de air guitar. De quoi? De air guitar, c'est faire semblant de faire de la guitare. Non mais il y a des championnats de ce truc. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire il y a des mecs qui font ça mieux que d'autres. Bah, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc on invite un type qui brasse du vent. Bah, c'est ça. Ah, oui, disons que ça colle bien au concept de l'émission. Ah ouais, très bien. Bon, alors on parle de quoi? Moi je pensais Emmanuel Macron. Ouais, c'est bien ça. Et ce Gunther Love là, il va avoir un avis là-dessus. Ah bah oui, parce que Macron il fait de la air réforme. Bon, je vois qu'il a dû laisser aller. Moi je vais reprendre les choses en main, ça va pas faire un pli. Mais je veux de la bonne doc les filles sur ce champion de water clarinette là. De air guitar. Ça va, c'est la même chose. Bon les garçons, vous allez me faire de la bonne vanne, pas comme la semaine dernière. Les thèmes, c'est moi qui vais les trouver. On reprend son sérieux ici tout de suite. Oh là là, c'était mieux quand t'étais pas là, je vais te dire. Voilà, maintenant, vous souvenez que j'étais pas là la semaine dernière. Et le premier qui fait du air travail, moi je l'envoie à France Bleu Limoges, ok? Ah non. Bonjour la France Inter, comme tu m'as manqué. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité au couteau à pain. Et voici les trois informations qui vont finir en tranche jusqu'à 18h. C'est le salon de l'agriculture, c'est la foire aux politiques, ces hommes proches du terroir, les deux pieds dans la boue. Ah non, c'est les mains dans la boue, c'est les mains. Je vais prendre exemple sur Cincinnatus, ce général romain qui préféra quitter le pouvoir pour retourner à ses champs et à ses charrues. Les gens du Nord qui ne trouvent pas de travail en France, ils en trouvent en Belgique, en Flandre, où le nombre de travailleurs français a doublé en 10 ans. Niveau main-d'œuvre, c'est l'entente cordiale. Vous les camemberts, vous vous sentez supérieurs. Cette nuit, c'était les Oscars, la fête, le show, le glamour et un peu de cinéma. L'avant-veille, c'était les Césars, du show, du divertissement. Quoi. De et pour trancher ces trois informations dans le vif, je suis accompagnée de l'Oscar de meilleur blagueur, Alex Vizorek. Mais bonjour Charline, et sachez que je suis extrêmement content de vous retrouver et de vous rendre votre siège. Et autour de la table, un seul résistant. Et oui. Moi j'y vois tout de même un lien avec le retour de la patronne, les troupes ont pris peur. Il sera là à 17h30, il prouvera qu'il est un excellent obstétricien puisqu'il peut faire accoucher énormément de gens à son micro, même des hommes. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi je me suis rendu aujourd'hui à Neuilly, la ville de Liliane Bettencourt, à l'occasion de l'ouverture du deuxième volet du procès qui la concerne, celui pour abus de faiblesse, enquête, scoop, révélation. Là on va trop loin parce que alors là je vais vous déballer des tas de trucs moi. Ouh là là, attention, gros déballage de tas de trucs dans 20 minutes. Et à 17h20 on ressortira de notre boîte à rigolade une chronique d'actualisique de notre ami Thomas VDB qui parlait de crowdfunding, un petit bijou. De comment? De crowdfunding. Ok, merci. Si tu écoutes, j'annule tout est en français et aussi disponible sur les réseaux asociaux. Allez, chaque jour dans cette émission nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous et vous connaissant, vous avez annulé beaucoup de choses. Énormément, énormément. Vous êtes né sous Mitterrand. Vous êtes sacré champion du monde d'air guitare en 2009 quand Suzanne Boyle chante I Dream the Dream et a fait du air tout court en fait. Avec le Airband, vous présentez la comédie Musiculte l'année où Nicolas Sarkozy lance l'éolien marin en France. J'ai oublié la date, mais ça doit être 2011 parce que je me rappelle très bien quand Sarkozy a lancé l'éolien en France. Vous lui avez d'ailleurs rendu hommage dans un spectacle. Beaucoup de souplesse. Et vous avez été chroniqueur sur Le Move, qui est devenu Move, en 2013, l'année où un homme âgé de 82 ans a tenté de s'enfuir de l'hôpital par un conduit d'aération et est resté bloqué, comme quoi l'air, ça sert beaucoup. Et vous êtes donc, je vous laisse le dire, Je suis Gunther Love. Oui, yeah. Oui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Gunther Love, alors vous êtes en tournée avec les Hernadettes. Oui, avec la comédie musicale, la comédie musiculte, donc Hernadette. Voilà, comédie musiculte Hernadette. Vous serez notamment le 10 mars à Mérignac, oui, ou le 31 mars à Montigny-les-Metz, ou encore, oui, le 25 mars à Toulon. Donc ou le 9 octobre au Trianon de Paris. Ah oui, ben oui, vous connaissez, nous allons dire au revoir. Oui, je connais justement uniquement cette date-là. Mais les petites dates nous permettent de découvrir notre beau pays qu'est la France. Je vous donnerai les autres, oui, comme ça vous serez au courant. Alors, j'ai entendu dans une interview vidéo, vous disiez que le air guitare, c'est comme la masturbation, ça ne sert à rien, mais ça fait du bien. Oui. Voilà, c'est toute la philosophie du projet. Et donc, je voulais lancer un débat. Alors, je confirme, mais ma question, c'est est-ce que être un bon guitariste aide, oui, à être un bon air guitariste? Alors, non, la réponse est non, puisque je suis, je pense, le musicien le plus mauvais du monde. Je, ouais, suis comme un petit peu l'entraîneur. C'est comme de la masturbation. D'accord, c'est ça. Il, ouais, faut demander aux autres de le faire à sa place. C'est vrai qu'il faut une certaine dextérité, et beaucoup de souplesse pour ne pas se faire un claquage. Mais non, je suis très mauvais musicien. Par contre, je connais bien la musique. Et un bon air guitariste, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture musicale et qui va décider à un moment donné de rendre hommage à son mieux guitariste préféré pendant une minute en Finlande, puisque généralement en Finlande, il n'y a pas grand chose à faire à part les championnats du monde d'air guitare. Et c'est vrai que dans la comédie musiculte, oui, c'est aussi, c'est quoi, 50 ans de, oui, de, voilà, musique, c'est rock, ça, c'est donc il y a ce pan culturel quand même qui est passé en revue. Oui, c'est ça, c'est que le air guitare, c'est on ça dure une minute et puis on s'en fout, c'est-à-dire que c'est plus très intéressant. Nous, on a développé le truc avec l'Hernadette, on a été beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on a décidé de rendre hommage à tout ce qui avait fait notre éducation musicale, cinématographique, radiophonique, et donc on a été chercher dans les... D'ailleurs, Lina est notre partenaire, on a été chercher dans 40 ans de cinéma, tout ce qui pouvait commencer à raconter une histoire sur scène, puisque cette comédie musicale a une particularité, c'est qu'on est en playback, et donc on va chercher des répliques de films cultes mélangées avec de la musique pour commencer à raconter une histoire au public, une vraie comédie musicale, mais culte. Mais rock'n'roll, voilà. Mais culte. Mais culte. Guillaume Meurice. Oui, j'avais une question. Est-ce que ça marche avec les filles? Parce qu'on sait que la guitare, ça marche beaucoup. Est-ce que ça, ouais, marche, donc, le air guitare, avec les air filles, peut-être? Oui, ça marche beaucoup avec les air filles. Du coup, j'avais beaucoup de... j'étais ravi. Puis j'ai rencontré, moi, l'amour avec ce projet, la Hernadette. Ça devait durer une semaine au début. Puis finalement, ça fait 6 ans qu'on tourne avec ça. Avec votre copine ou avec l'Hernadette? Avec tout le monde. Avec tout le monde. En fait, dans l'Hernadette, il y a une règle. C'est pas d'histoire de cul dans le groupe. Règle numéro 2, en même temps, si personne n'est au courant. Donc voilà, on en est là. Est-ce qu'au départ, quand on commence, il faut prendre beaucoup de substances de drogue pour commencer C'est-à-dire que c'est cette compétition donc en Finlande, hein, faut bien le préciser parce que c'est à 800 km soyons honnêtes. Au nord de... Oui, il y a du disons, dopage. Alors, reprenons les choses depuis le début. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un type qui s'est dit, je vais organiser une compétition 1996. De gens qui miment la guitare. C'est ça, c'est exactement ça le départ. Il était fan de Joe Cocker qui, à Woodstock, avait commencé à faire un morceau de air guitare. Il s'est dit, tiens, moi, je vais rendre hommage à ce mec-là. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est quand même super cool d'être super nul, mais dans sa salle de bain, de se prendre pour Angus Young, par exemple. Et donc, il a monté ses championnats. Et puis, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de pays. Et puis, on est arrivé. Moi, quand je suis arrivé en 2009, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait 40 pays qui participaient. Donc, tu croisais un mec arrivé du Mexique, un mec de Nouvelle-Zélande, un mec du Canada, qui venait juste taquiner pendant une minute, pendant 4 jours, parce que tu as des entraînements. En fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas la compétition en soi, elle est nulle, on s'en fout et tout le monde s'en tape concrètement. Ce qui est drôle, c'est fier de vous. Oui, non, mais alors attends, ça c'est la deuxième explication. Mais c'est les 4 jours qui précèdent où tu as vraiment des. Les 3/4 sont des comédiens et du coup, il y a un vrai personnage qui est créé et ça donne lieu à des histoires pas possibles. Mais il y a des juges, il y a des juges. Bien sûr qu'il y a des jeux, il y a des mouvements, il y a des tricks à respecter. Il y a des figures imposées. Il y a une tenue, il y a des trucs que tu n'as pas le droit de faire. Ah ouais. Par exemple, des Hernadette en 2007 a voulu faire un slam. Ah, il a écrasé une vieille dame au premier rang, vraiment. Et du coup, maintenant, quand tu participes, tu signes un papier comme quoi tu promets que tu ne feras pas un slam, c'est-à-dire se jeter dans le public. Voilà. Et alors, il y a des costumes, évidemment. Et vous dites pourtant, c'est vrai, le air guitar, ça n'aurait jamais dû sortir de la salle de bain. Ouais. Et vous en avez fait une comédie musicale avec costumes, avec. Oui, papa, c'est-à-dire qu'on est parti, c'est comme si tu t'improvisais, je sais pas, un mécano, puis qu'au départ, t'avais qu'une clé à pipe. Je prends la clé à pipe sans aucune... Non, non, il n'y a pas de sous-texte. On ne bondira pas dessus. Tu prends la clé à pipe, et puis au fur et à mesure, tu prends d'autres outils, des nouveaux outils, et c'est ce qu'on a. Et t'as une boîte à outils magnifique avec laquelle tu peux intégrer même l'équipe de Valérie Damido. Et on a fait ce spectacle qui est donc la comédie musiculte, qui vraiment est un petit pudding magnifique où tu passes de Marguerite Duras à à Stallone, en repassant par une chanson de Lara Fabian suivie de Queen des of the Stone Age. Des extrêmes bronzés. Ouais, voilà. Lara Fabian. Vous avez fait l'Olympia avec. On a fait avec cette chose, tu peux le non, dire. Non, parce non, parce que non, mais on en parle comme si c'était rigolo. Avec ce comme... truc. Mais c'est difficile à expliquer. Ouais. Mais enfin, en fait, c'est une expérience. C'est un succès. Faut vraiment venir le voir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au départ, on était un petit truc de Parisien essentiellement musical sur la première année. Et puis quand on a fait le tour du monde avec sans toucher la queue d'un instrument, on s'est dit merde, il faut quand même qu'on explique aux gens comment on en est arrivé là, quoi. Et on se retrouve à faire la première partie de Ma Bercy. Et du coup, on se dit après ça, bon, là, le what the fuck va vraiment trop loin. Écrivons une vraie histoire avec une vraie mise en scène, avec un metteur en scène et puis une vraie écriture qui nous a pris 9 mois. Et on a créé cette comédie musicale avec laquelle on tourne beaucoup et même à l'étranger, puisqu'on l'a adaptée en anglais. Et donc, c'est aussi 50 années de pop, de rock. De pop culture, ouais. Tournée avec les Hernadettes, la comédie musiculte, notamment, une autre date, le 14 mars à Enghien-les-Bains, dans cette tournée française. Eh oui, je vous l'annonce. Incroyable. Je vous l'annonce. Et donc, le 9 octobre, au Trianon. Tiens, il y en a un qui a commencé dans sa salle de bain aussi. C'était Arnaud qui chantait I Am a Bathroom Singer. On sait ce qu'il est devenu, hein, ça, c'est énorme. C'était un peu comme Sonny and Cher. Voilà, c'est juste parce qu'on va les écouter. La transition à 1000 points. C'est de la air transition. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee. La-da-da-da-da. Charleston was once the rage, History has turned a page, The miniskirt's the current thing, goes on, the beat goes on, the drums keep pounding a rhythm to the brain, la-da-da-da-dee, la-da-da-da-da, the grocery store, the supermarket, men still keep on marching off to war. Electrically they keep a baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee, la-da-da-da-da. Grandma's sitting chairs and reminisce. Boys keep chasing girls to get a kiss. The cars keep a going faster all the time. The beat goes on. Sonny and Cher, The Beat Goes On sur France Inter jusqu'à 18h avec Gunther Love qui est avec nous. Toujours. Dans Si tu écoutes, j'annule tout. Dans 20 minutes, on retrouvera le moment Meurice, notre envoyé très très spécial. Tout à fait. Vous êtes allé où À Neuilly. Oh à Neuilly. Là. Oui, j'ai pris des risques, beaucoup de risques aujourd'hui. Vous êtes un peu fasciné par Neuilly, je crois. Oui, Neuilly, le Valois, Corbeil-Essonne, j'aime beaucoup. Faites de la fixette. Alex fait aussi de la fixette sur l'actualité. Allons-y. Et tous les jours, en tandem, on fait notre marché chez les gros producteurs d'infos. Il n'en reste pas grand chose. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Le Parti Socialiste tiendra demain un bureau politique pour remettre de l'ordre dans les rangs. Et dans le journal L'Opinion, un ministre annonce un carnage. Et il donne une image, ouvrez les guillemets, à la roulette russe belge, toutes les balles sont dans le barillet. Bah, c'est pas drôle. Ouais, on est d'accord. Très, très mauvaise vanne. On ne fait plus de blagues sur les Belges depuis 1993. Oui, ça, c'est et surtout, sûr. C'est pas vrai. Parce que la roulette russe belge, je vais vous expliquer, en fait, il n'y a aucune balle dans le barillet. Et c'est pour ça que le jeu dure longtemps, quoi. Et que les joueurs décèdent d'épuisement. Voilà. Et pendant la tenue de ce bureau national du PS, Manuel Valls doit moderniser le dialogue social. Ah, ça veut dire quoi, ça? Alors, ça veut dire qu'il faut d'abord dialoguer pour pouvoir définir les contours du dialogue social. Ah, oui. Voilà. Sinon, avec le 49-3, on peut toujours imposer le dialogue par la force. C'est ça. Mais d'ailleurs, tant qu'on parle de Manuel Valls, ce dimanche, il était aux festivités du Nouvel An chinois. Et cette année, c'est l'année, je vous donne un indice. C'est l'année de Lara Fabian. De la chèvre. Voilà, j'aurais mis Julien Clerc. Oui, mais c'était un peu trop couru. C'était un peu trop couru en humour. Laissez-moi faire, j'ai vu l'expérience. PS toujours. Oui, selon Mediapart, la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Geneviève Fiorazzo, aurait un faux diplôme. Oui, alors selon ses biographies, on annonce deux maîtrises, une en anglais et une en économie. En fait, elle en aurait une seule, une maîtrise en anglais option. Économie. Ah, donc ça veut dire qu'elle parle anglais. Oui, et qu'elle est capable de traduire des termes économiques, mais qu'elle ne peut pas mettre en pratique. Ah voilà. Oui, d'accord, donc ce gouvernement, c'est, je veux dire, l'économie, c'est pas leur truc, non. Entre Montebourg qui prend des cours après avoir été ministre, et cette ministre qui a pas le diplôme qu'elle annonce. Voilà, en fait, il manquerait plus qu'on nous annonce que la ministre de la Culture ne lit pas de livres. Oh, ça non, c'est impossible. Oui, impossible. Passons à la culture. Oui, la culture. Véronique Geneste a voulu féliciter Pierre Ninet par tweet, et elle l'a félicité pour son set d'or. Ah. c'est dommage. Pas de bol. J'espère que Pierre Ninet l'a félicité pour l'ensemble des épisodes de Navarro. Ah ouais, télévision toujours. Oui, plus belle la vie. Le feuilleton provençal s'est brouillé avec Charleville-Mézières, la ville de Champagne-Ardenne, en cause cet extrait. Tu sais quoi? Elle a poussé Rocha à annuler ma sortie Rimbaud avec les élèves. Mais c'est tes élèves qui vont être contents. Non, mais traîner à Charleville-Mézières en plein hiver, c'est de la maltraitance. Oh, c'est très joli, les Ardennes. Oh. Ce qu'il dit. Plus belle la vie, ça va. Donc Boris Ravignon, le maire UMP de la ville, a appelé à la mobilisation des internautes pour défendre l'honneur de sa commune. Eh bien, c'est normal. Oui, c'est normal. Enfin, disons que alors c'est rare que je défende les scénaristes de Plus belle la vie, mais sur ce coup-là, Rimbaud, le premier truc qu'il a voulu faire, c'est quand même quitter Charleville-Mézières. Et vous savez où il est allé mourir, Rimbaud? Non. À Marseille. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. On met l'actualité dans la prise avec Gunther Love qui est avec nous. On va aborder le premier sujet, hein, parce que vous êtes venu ici. C'est la première fois qu'il mettra quelque chose dans une prise, lui qui a fait ça. Même pas la guitare, je vais vous dire. Je crois que c'est mon inconscient. Vous n'avez pas bien regardé ma couteau, je crois. C'est pas faux. Vous voyez ? Alors, premier sujet, parce que c'est une émission, on trouve des solutions pour la France. Oui, aussi, ah, très bien. Ça, faut le rappeler. C'est pour ça qu'on a pensé à vous. Et oui, voilà. Je vais être une grande aide. En tant qu'expert, ensemble, on va y arriver. Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes. Au Art Discounter allemand Lidl, au milieu des animaux de la ferme, il y a le stand du jambon sous vide, origine vaguement européenne. Les poulets des œufs en forme de cube. Eh ben, les œufs cubiques sont plus faciles à mettre en boîte. Et les poulets sans plumes. On gagne du temps, on évite de la main d'œuvre. Goutte. C'est du pétrole. C'est exact. Alors maintenant, regarde. Et voilà, c'est de la viande. Oh. Goûte. Ah non. Goûte. Ah non. Ah non. Ah ben non. Fufu et Coluche, dans l'aile ou la cuisse. Un extrait retrouvé par une fan de Fufu, car cette émission est préparée notamment par Nathalie Romero, fan de Fufu, Claire-Sophie Collet, avec Benjamin Riquet à la réalisation. Donc, déjà, McDo, Intermarché était au Salon de l'agriculture, maintenant Lidl. Là, on parlait de Tricatel, vous rappelez, quand Louis de Funès et Coluche arrivent dans l'usine Tricatel où tout est en plastoc. Bah voilà, le plastique est arrivé au Salon de l'agriculture. Non, est-ce qu'on foutrait pas un peu de notre gueule? Non, mais c'est surtout l'arrivée des palettes, parce que Lidl, pour moi, c'est ça, c'est de la nourriture distribuée sur palettes. Ils viennent avec des palettes, c'est pas très... Ça donne un côté... Oui, industriel. Alors, je vous ai mis en galère avec mon histoire de palette. Figurez-vous que, alors moi je suis un étranger, donc je n'ai jamais été au Salon de l'agriculture, et nous y allons d'ailleurs tous ensemble vendredi, et je suis curieux de découvrir, parce que pour moi effectivement c'était des grandes vaches, et des saucissons, et des produits comme ça, et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait du Lidl, du McDonald's et tout ça. Est-ce que c'est, parce que je crois que c'est 700 000 Français qui vont chaque année au Salon de l'agriculture, est-ce que vous avez déjà mis les pieds? Oui, j'ai vu un très très beau défilé. Non, je confonds avec la Fashion Week. C'est un peu pareil, vous savez. On est dans la même démarche de curiosité. Miss France aussi, oui, c'est vrai. Cela dit, les palettes au Lidl, ça permet d'avoir des prix moins chers et de casser les prix, bien sûr. Alors, est-ce que c'est pas aussi le moment de l'année où le Parisien se rappelle que son steak a été un animal dans son assiette ? Est-ce que c'est le moment où la plus grosse ferme arrive à Paris et ces pauvres animaux qui sont... Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est vrai qu'en ce moment, on se pose vraiment la question de est-ce que pour bien manger, il faut manger cher ou est-ce qu'on peut avoir des produits de qualité ? Ouh, putain, j'ai regardé Capital. Hein. J'ai fait un petit... On sent que vous avez travaillé. Non, mais c'est vrai que du coup, ça, j'imagine que pour eux, c'est une façon de montrer que la nourriture est de qualité. Mais c'est vrai que quand on voit Origine par là-bas, c'est marqué par là-bas, entre guillemets. Suivez les flèches. Là-bas, voilà, c'est dans le coin là-bas. Non, mais c'est surtout la campagne pour les Parisiens, parce que les vaches sont parfumées, les cochons ont des nœuds dans les poils. Enfin bon, voilà. Ils sont tressés, ils sont jolis. Vous avez déjà été, vous. Ah ouais. Oui, j'ai déjà été à la campagne et au salon de l'agriculture. Ouais. L'after show autour de la Bourgogne. Et rappelons que nous serons au salon de l'agriculture vendredi. Et oui, génial. J'interdis les blagues avec Geneviève de Fontenay. Nous y serons. Ah oui, elle s'y connaît en concours. Je voyais déjà arriver le lien entre. Non, quand même. Non, quand Thomas VDB n'étant pas là, ça n'a. Elle s'y connaît en concours. Le salon de l'agro-industrie, du coup, on dit plus de l'agriculture. Et puis c'est aussi évidemment le défilé des politiciens. Est-ce que c'est pas de la R politique, ça, quand même, de défiler les uns après les autres? Le R de toutes sortes, c'est un petit peu le suprême de pipologie. Donc du coup, ça en fait un peu. Là, on est dedans, quoi. Il y a une grande tradition du politicien français au salon de l'agriculture. Ça nous surprend toujours un petit peu. Qui sera photographié à côté du plus beau et qui passera le plus de temps? Parce qu'il y a des records. Il y a un concours. Chirac apparemment était assez bon. Mais lui, s'arrêtait manger à tous les stands. Donc ça, c'était cool. Ce qui est la grande classe. Surtout qu'ils mangent de tout. Ça m'a toujours fasciné. Il y a bien un truc qu'ils aiment pas. Et ben, on leur fout quand même sous le nez du fromage qui pue. Et ils sont quand même obligés de le manger devant des caméras. Et notez que ça s'appelle le salon de l'agriculture à Paris, alors que partout ailleurs, ça s'appelle la foire agricole. Mais bon, soit, passons. Alors aussi, il y a un article dans Le Parisien aujourd'hui en France qui explique aujourd'hui que c'est la fin des nocturnes. Il n'y a plus de nocturnes jusqu'à 23h au salon de l'agriculture. Est-ce que vous savez pourquoi? Ouais, je dirais à cause comme je disais tout à l'heure, du Bourgogne. Pas que, évidemment, pour cause de problèmes liés à l'alcool, on retrouvait des gens qui sautaient dans les escalators, apparemment. Surtout où? Au stand Guadeloupe, parce qu'apparemment, le planteur, le rhum. C'est ça. Donc finalement, il y avait un côté rock'n'roll au salon de l'agriculture. Je ne sais pas si vraiment on peut parler de rock'n'roll quand on dit que des gens sautent dans les escalators. J'appelle ça des débilos. Surtout qu'ils vont se faire très mal. Dites ça alors que vous sautez sur scène en faisant semblant de faire de la guitare. Oui, mais je suis payé pour. Oui, c'est pas faux. C'est la différence. J'accepte la nuance. En même temps, je veux bien aller prendre du planteur et sauter dans les escalators. Ça doit être très amusant. Venez-y, on y est vendredi. Cela dit, il y a des restes de grosses performances physiques dans votre spectacle, parce que vous êtes ancien gymnaste. Donc, on ne se charge pas avant d'y aller. C'est-à-dire qu'il y a un petit verre de planteur avant, c'est exclu ou bien. Même deux, trois. C'est une manière de s'échauffer au sein des Hernadettes. On a ce qu'on appelle le lever de coude, vous savez. Donc, on se charge un petit peu. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est un petit peu la seule discipline, le seul spectacle où la drogue n'est pas obligatoire, mais je dirais conseillée. Même pour le spectateur, en fait, plus que pour nous. Tous les jeunes qui nous écoutent et qui rentrent avec leurs parents en voiture, voilà, à ne pas faire, bien entendu. Mais ça s'adresse à tout le monde, ce spectacle. Donc j'engage vraiment les parents à emmener leurs enfants, parce qu'il y a différents niveaux de lecture, et c'est ça qui est intéressant dans ce spectacle. J'ai cru que j'allais pas arriver au bout de cette phrase, j'arrivais pas à déglutir. Intergénérationnel, comme on dit. À cette heure-ci, 17h30, l'intergénérationnel aussi, normalement, c'est André Manoukian. À cette heure-ci, il est resté à Chamonix, se reposer un petit peu. On l'embrasse très fort. Mercredi. Voilà. Pour mieux nous revenir mercredi, André Manoukian, et on vous propose une chronique, alors une chronique rediffusée, ça peut être une air chronique, d'un certain Thomas VDB que vous connaissez, ça, on dit que c'est une mauvaise chronique. C'est une mauvaise chronique. Oui, non, c'est pas une air chronique. Elle est excellente, c'est pour ça qu'on l'a gardée. Attention les oreilles, c'est l'heure de Thomas VDB. Est-il besoin de rappeler que si tu prends de l'actu, si tu prends de la musique, que tu mélanges de tout, tu obtiens de l'actualisique. Puisqu'évidemment, l'actualité... Oui, c'était besoin de le rappeler. Attendez, je vais vous dire, ça, José Arthur ne l'a pas inventé, on peut le faire. Ça, c'est ça vient de moi. À moindre frais. C'est complètement compulsif. Non, mais Thomas VDB est un génie. On peut parler d'une sorte de toc. Alors, l'actualité de la musique en 2014, ce n'est pas que l'actualité des albums qui sortent, c'est aussi l'actualité des albums qui seront bientôt enregistrés, et notamment par le biais de ce qu'on appelle le crowdfunding. Alors, qu'est-ce que c'est le crowdfunding ? Je rappelle ce que c'est. C'est du mécénat qui permet de s'impliquer et de financer le projet d'autres gens, ce qui est une bonne chose, notamment quand on n'a pas assez de personnalité pour aller au bout de ses propres projets. Alors, on trouve un petit peu tout et n'importe quoi aujourd'hui sur les plateformes de financement participatif. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu le projet d'une nana qui disait comme ça « Je viens de finir mes études et je cherche à financer un voyage d'un an aux Maldives pour aller travailler dans une réserve écologique de tortues, car je pense que c'est important de prendre conscience des problèmes de la planète. » Alors effectivement, c'est bien, je pense que si la nana, c'est vraiment son projet de l'aider à faire prendre conscience des problèmes écologiques dans le monde, il y a plein d'autres trucs qu'elle peut faire, hein. Elle peut lancer des pétitions, elle peut faire des manifs. Je crois que là, son projet le plus important, c'est de partir un an gratos aux Maldives. Alors attention à ne pas vous faire avoir, c'est comme le mec qui a un feu rouge porte de Clignancourt qui a essayé de me solliciter pour un projet de crowdfunding qui consistait à laver les vitres de ma voiture en échange d'un peu de monnaie. C'est plus de la vente forcée que du crowdfunding. Et donc aujourd'hui, en crowdfunding, c'est la chanteuse française qui s'appelle Soko qui cherche à financer la sortie de son prochain album. Alors attention, voici ce qu'elle propose. Je tiens à préciser que tout ce que je dis est vrai. Il faut savoir que si vous versez 500 $, 500 $, on est content, elle fera une pyjama party avec vous. Ça consiste à regarder ses films préférés avec elle en pyjama. Belle affaire. Elle est mignonne, Soko. Elle est assez mignonne, mais 500 $, comment. Alors, si vous donnez, attention, 1000 $. 1000 $, vous pouvez faire... Elle enlève le pyjama. Vous pouvez, non, vous pouvez faire avec elle une séance de yoga Bikram. Alors, je rappelle ce que c'est que le yoga Bikram. C'est une séance de 2 heures de yoga dans une salle chauffée à 40 degrés. Hein, voilà. Et elle veut qu'on paye pour ça. C'est-à-dire que moi, si on me donnait 1000 $ pour y aller, je me tue complètement ma boule. Pour 2000 $, elle vous propose de passer un repas avec elle pour lequel elle cuisinera ses plats préférés. Alors ça, c'est chouette. Par contre, évidemment, il faudra venir avec votre propre gluten. Hein, parce que vous doutez bien qu'une meuf qui fait du yoga Bikram, elle mange sans gluten. Alors j'imagine que certains écoutent en se disant « Oui, mais attends, est-ce que c'est possible au moins d'avoir quelque chose peut-être pour, je ne sais pas, 5 €? » Alors non, pas du tout. Il n'y a rien à faire pour 5 €. Le moins cher, c'est 30 $. Elle vous envoie la liste de ses chansons préférées à écouter le matin. Hey, 30 $, une liste de chansons. Je te remercie, Soko. Hein, c'est une belle affaire. Et enfin, attention, pour 50 000 $, c'est on peut miser ça. Elle se propose de passer 24 heures avec vous, habillée en robe de mariée, comme si vous étiez en train de célébrer une sorte de noce avec elle. Alors attention, parce que le rêve, j'entends déjà des mauvaises langues dire « Oui, mais est-ce qu'on serait pas en train de fricoter un petit peu avec les limites de la prostitution ?» Alors pas du tout. Alors à ce titre, j'en profite pour parler du projet de crowdfunding d'une copine à moi qui s'appelle Farida. Puisque pour 50 €, c'est Farid en fait, hein. C'est Farid, mais c'est Farida, pour 50 €, elle se propose de mettre votre pénis dans sa bouche. Alors évidemment, tout ça est pour financer un album. Le projet n'est pas encore sûr, c'est vaguement un projet d'album de reprise de Dalida. En tout cas, rendez-vous sur internet pour soutenir ce beau projet. Thomas VDB qui sera avec nous vendredi en direct du Salon de l'Agriculture. Ça va être un beau rendez-vous, ça. Nous sommes toujours en compagnie de Gunther Love. Gunther, justement, Thomas VDB, lui qui fait un récital Daft Punk et qui s'agite énormément sur scène. Et ben alors, il y a une filiation entre vous deux. Oui, la bêtise. Et j'en profite pour dire ici que je pense que c'est un des meilleurs humoristes qu'on ait. Et c'est faut vrai. Vraiment aller le voir sur scène. Et que vendredi dernier, on était ensemble puisqu'il faisait notre première partie avec Arnadette. Et donc, il prépare un nouveau show qui est assez dingue. Et je crois savoir qu'il est avec Mathieu Madénier en ce moment au Paname Café. Ça vaut vraiment le coup d'aller y jeter un œil parce que il est très très bon, ce Thomas. Oui, il est un peu con, mais il est très très que bon. Des bons. N'engage que ouais, il est vraiment vraiment exceptionnel. On l'embrasse, on le retrouvera vendredi. Et vous, Gunther, vous participez avec les, j'imagine avec Arnadette, au live extraordinaire de M. Ce sera dans le cadre du Secours Pop Rock, une soirée organisée au profit du Secours Populaire au Zénith de Paris. Ce sera le 30 mai. Ouais, c'est un peu différent. C'est-à-dire que avec Arnadette, on a aussi d'autres casquettes. Et là, on a une boîte de production qui s'appelle Arnadette Corp. Et on s'est posé la question il y a 2 ans si on pouvait pas faire quelque chose de plus intense pour aider son prochain, parce que oui, on est un petit peu en quête d'amour comme tout le monde. Et donc, on a monté cette société, Arnadette Corp, et on a créé ce festival qui s'appelle Secours Pop Rock, qui avait pour but de venir en aide au Secours Populaire de manière assez immédiate. Et on a fait 5 premiers numéros au Bus Palladium, avec notamment M qui avait fait la première. Ensuite, il y avait C2C, Chaka Ponk, la reformation d'FFF et je sais plus qui, Tété et Oxmo Puccino. Et on reversait 100% des recettes au Secours Populaire. Et puis là, du coup, c'est les 70 ans du Secours Populaire, donc on a proposé au Secours Populaire de le faire au Zénith de Paris. Chédid a accepté d'en être le parrain. Et effectivement, vont venir sur scène notamment Florence Foresti, Kian Kojandi, Oxmo Puccino, Tété, Louis Chédid, Nash et d'autres qui vont bientôt s'ajouter à la longue liste des artistes et des duos qui seront exclusivement créé pour cette soirée et 100% des recettes bien sûr pour le Secours Populaire comme d'hab. Donc là on est derrière, on organise là, on n'est pas sur scène. Au Zénith de Paris, le 30 mai donc, avec Gunther Love, les Hernadettes. Et tiens, fume, c'est Arthur H. Navigateur solitaire, nous sommes sur France Inter. Navigateur solitaire, tu traverses les univers. Navigateur solitaire, tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Et si les vagues sont tes maîtresses, ta femme c'est l'infini. Ni satellite, ni GPS, seule la belle étoile au ciel. Navigateur solitaire, tu as grandi les univers. Navigateur solitaire, tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Des corps de femmes alanguis, la lune ne s'allume qu'à pour toi, unique adorateur de l'univers. Passer le cap, hisser le foc, le courant t'emporte droit devant. Navigateur solitaire, soleil dehors, soleil dedans. Laisse ses soucis à l'arrière, le courant t'emporte. Arthur H dans le manche disque, à la technique Fabrice Desmaz, Julien Dumont. Allez, on est dans Si tu écoutes, j'annule tout jusqu'à 18h avec Gunther Love, Sens et Hernadette. On ventile l'actualité jusqu'à 18h et avec le sujet 2, attention. Après l'exil fiscal, l'exil travail, le nombre de Français du Nord qui viennent travailler de l'autre côté de la frontière a doublé. 39 000 personnes actuellement. En Flandre, ce sont donc des Français qui emballent les frites surgelées. Quand on vous disait que chez le petit voisin, c'est un Eldorado. Papa est dans quel pays, là ? En Belgique. La Belgique qui est ? Le plus beau des pays. Là, je suis dans quel pays ? Dans la France. La France, c'est un pays de gros ? De gros abrutis. Exact. Extrait du film « Rien à déclarer » avec Benoît Poulvorde. C'était juste pour illustrer, nous ne cautionnons absolument rien de ce qui était dit. Rapport de l'INSEE, dans Libération, aujourd'hui, il y a par exemple Abdelali, 20 ans, qui n'a pas de diplôme, et qui explique en France, ils me disent que je n'ai pas d'expérience. Les employeurs, je leur réponds, laissez-moi une chance, sinon je n'en aurai jamais. En Belgique, il faut juste être un bosseur. Est-ce que c'est un travers français, ça, de ne pas tenir compte de la compétence et d'absolument avoir un CV avec un bac plus quelque chose, des compétences alignées sur le papier et moins dans les, entre les mains. Vous avez ce sentiment-là ou pas? Vous qui êtes surdiplômé, Gunther. Oui, c'est ça. Après un bac économique et social, une licence STAPS. Non, je suis pas. Dans mon entourage, en tout cas, j'ai plein de potes qui sont diplômés des plus grandes écoles de scientifiques ou autres, ou même littéraires, qui se retrouvent soit à un moment donné à plaquer leur boulot parce qu'ils s'y retrouvent pas, ils ont envie de faire de la musique, soit trouver d'autres activités. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ce qui a marqué sur le papier, c'est plus de poids. Par contre, la vraie question, c'est est-ce que quand on arrive en Belgique, les Belges eux-mêmes ne veulent pas faire ces boulots-là, comme nous, en France, on n'a pas envie de faire ces boulots-là et qu'on laisse d'autres personnes en fait. Vous posez la bonne question. Alors, il y a beaucoup plus d'industries où se faire embaucher en Flandre et apparemment, les boîtes d'intérim qui embauchent ces Français préfèrent embaucher des Français que des Wallons. Voilà. Mais c'est pas parce que les Wallons n'ont pas envie de le faire. Non, c'est parce qu'il y a... Il y a une espèce d'opposition, oui, c'est-à-dire que, par exemple, si vous allez en Flandre et que vous parlez français, ils vont vous répondre en flamand. Et si vous leur expliquez que vous êtes français de France, ils vont vous parler en français. Tandis que si vous leur dites que vous êtes belge, ils trouvent que c'est normal que vous deviez parler le flamand. On appelle être loup. Donc quoi, il y a un tout petit peu, parfois. C'est comme ça, ça se passe comme ça de l'autre côté de la frontière. Cet article de Libération qui commence comme ça, la frite belge paye bien, 1 900 € net par mois en intérim pour emballer de la patate surgelée et aucune qualification n'est requise. Alors évidemment, rappelons que c'est quand même un emploi précaire et le licenciement est facile. Mais il y a un exil du travail à faible compétence contre un exil fiscal aussi. On est vraiment dans un fossé entre les deux. Oui, voilà, c'est ça. C'est un petit peu casse-toi pauvre riche contre casse-toi pauvre pauvre. Casse-toi tout court. Et alors, il y a aussi quelque chose d'assez spécial qui est relevé dans l'article, c'est qu'en Flandre, ces jeunes sans diplôme ne sont pas pénalisés par leur adresse. Par exemple, il y a des jeunes qui témoignent et qui disent « Je viens d'une cité un peu chaude, à la mauvaise réputation dans le nord de la France. Et quand j'arrive en Flandre pour me faire embaucher, on ne me demande pas mon adresse où j'habite et il n'y a pas de handicap. Est-ce que là aussi, il y a un travers Un espèce de délit de faciès, que ça serait délit d'adresse, d'adresse, ouais. J'en ai aucune idée, je ne connais pas le terrain belge. Pour aller voir mes cousins, mais on parle plutôt bière. Est-ce que le air guitar, on peut conseiller? Ah non, mais je ne conseille pas le air guitar. Je vous le répète, c'est quelque chose qu'il ne faut pas pratiquer. Par contre, rencontrer des copains et monter... Au lieu d'emballer les frites, oui, c'est ça. Non, mais moi, j'ai une vraie question là-dessus aussi. Est-ce que... Parce que je ne suis pas calé sur la question. Alors nous, on n'a pas forcément les vraies réponses. Ouais, allez-y quand même. Si j'ai une réponse, est-ce que la personne qui habite en France, qui part travailler en Belgique, comment ça se passe au niveau des impôts, puisque du coup il est déclaré en Belgique ou il est déclaré mais en France? Mais vous posez une excellente question, vous auriez pu faire journalisme. C'est fou, je reviens quand vous voulez, vous savez. Je vais vous dire justement, ils choisissent de déclarer en France parce qu'en Belgique les impôts sont plus élevés. Sur le travail, sur la fortune. Il n'y a pas de pénalité du coup, je sais pas en Alors Belgique. Après, il y a un accord, c'est vrai qu'il y a un accord bilatéral entre la France et la Belgique et je pense qu'il y a une forme de souplesse où on peut choisir soit le domicile, soit le lieu du travail pour conseille de payer leurs impôts en France parce qu'en Belgique c'est plus taxé pour le travailleur. Est-ce que vous avez fait des petits boulots comme ça avant d'être professionnel de air guitar? Mais je ne suis pas professionnel de air guitar. Est-ce qu'on a fait j'ai fait des petits boulots? Oui, bah ouais, quand j'étais étudiant à la fac, j'ai bossé pendant 3 ans. Vous savez, chez Ingvar Komprad, le suédois qui a décidé de monter des meubles. Laisser les gens monter leurs meubles tout seuls, qui aurait pu être une bonne idée, mais qui finalement est quand même la cause d'une divorce quand même majeur en France, à savoir qui va monter cette armoire de merde sans laisser 17 vis par terre. Et Guillaume Meurice a posé une excellente question puisqu'il devient lui-même journaliste, Guillaume. Oui, j'essaye. En tout cas, aujourd'hui, je me suis intéressé à un thème fédérateur, l'insécurité, et pas n'importe où, en banlieue, et pas dans n'importe quelle banlieue, dans un véritable ghetto à Neuilly. Neuilly, la ville de tous les trafics, ceux des prothèses de hanches et des couches confiance, une ville peuplée d'individus aux dents longues, même si souvent elles tiennent grâce à de la colle à dentier Polident. Neuilly, où il y a quelques années, une vieille dame s'est faite littéralement dépouiller. Elle avait pour nom Liliane Bettencourt et aujourd'hui s'ouvre le deuxième volet de l'affaire qui la concerne, celui pour abus de faiblesse. Je me suis rendu à mes risques et périls ce matin dans la ville de tous les dangers. Vous vous sentez en sécurité à Neuilly? En sécurité, beaucoup plus qu'ailleurs. Et pourtant, Liliane Bettencourt, elle s'est fait voler de l'argent à Neuilly. Oui, mais ça, c'est dans un autre quartier. Ah, vous pensez qu'il y a un quartier qui craint un petit peu, c'est le quartier de Liliane Bettencourt? Oui, c'est un quartier trop BCBG pour moi. Et moi, j'aime bien le quartier populaire, voilà. Là, on est dans le quartier populaire ? Oui, absolument. Ah oui, donc j'étais pas dans le bon quartier. J'étais dans le quartier populaire de Neuilly, juste en face du siège social de Chanel. Hein, le fameux quartier pauvre hein, de Neuilly. Un quartier cosmopolite où se croisent des déambulateurs Dior et des déambulateurs Louis Vuitton. Mais dans le respect, dans la tolérance, je me suis donc déplacé pour aller au cœur du quartier chaud, le quartier de Liliane Bettencourt. Et j'ai interrogé une autre habitante sur le risque des violences urbaines. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous arrive, vous ? Bah écoutez, enfin, on ne pose pas des questions comme ça. Ah bon ? Non, bah, enfin, je veux dire, pourquoi voulez-vous que ça m'arrive ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il pourrait y avoir un parti politique qui vient toquer à votre porte pour vous demander de l'argent. Ah bah c'est probablement déjà arrivé, je ne sais plus. Ah, vous savez plus ? Non, vraiment, je perds un peu la mémoire par moment. J'étais donc, comme Liliane, j'étais donc dans le quartier des vieux qui donnent de l'argent à un parti politique mais qui ne s'en souviennent plus. Mais à quel parti ? On ne sait pas, parce qu'elle n'a plus la mémoire. Les communistes sont j'étais donc dans le bon quartier hein, de Liliane Bettencourt. Continuons avec une autre habitante. On est stressé parce qu'on n'a plus cette même visibilité qu'ont les jeunes, vite fait, bien fait, machin. On a perdu cette immunitaire, voilà. Vous avez perdu ça, votre quoi ? L'immunité, le système de la vue, comment on appelle ça ? La vision ? Oui, ça fait partie de la vision. Oh zut ! Ah bon, alors elle se souvient même plus des mots, mais elle se rappelle quand même qu'il y a une question d'immunité quelque part. Hein. Donc nous sommes toujours à Neuilly, plus de doute. Allons voir un habitant cette fois-ci. Que pense-t-il de cette délinquance qui a frappé la malheureuse Liliane ? Moi je ne considère pas que c'est un peu la délinquance, c'est d'un... quelque chose de différent. Moi, délinquant, je pense à de ces jeunes qui attaquent les personnes dans la rue ou vont dans les appartements pour voler. Oui, mais souvent, ils prennent moins d'argent, ceux-là. Alors, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Ah, il ne peut pas nous répondre. On sent tout le poids de l'omerta. Personne n'ose prononcer le mot UMP. Personne n'ose même parler de Nicolas Sarkozy. Personne, sauf cette courageuse citoyenne. Oh non, j'ai pas peur. Non, surtout Sarko, hein. On l'a assez embêté, le pauvre. J'espère qu'on va le laisser tranquille, maintenant. Bah, c'est surtout voilà. Lui, a priori, qui aura embêté Liliane Bettencourt. Alors, vous soutenez lequel des deux, vous ? Il est sorti blanchi, non ? Oui, mais ceux de son parti, pas tous, hein, encore. Les juges, est-ce que vous en faites le mur des cons, là ? Alors, où on va, la France, hein ? Aux Français, là ? Hein ? Alors, je ne sais pas. Voilà, je dois du point Godwin. Je ne sais pas où on va. Mais comme elle commence par défendre Sarkozy et finit par un slogan du Front National, je vois assez bien où elle va. Mais bon, elle ose parler au moins, hein, sans être protégée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Pourquoi va-t-on attaquer une femme âgée comme ça pour une histoire politique ? Oh. Vous n'avez pas peur que ça vous arrive, vous ? Non. Pourquoi ? Parce que je crois en Dieu et que Dieu me protège. Ah, qui est-ce que vous appelez Dieu ? Nicolas Sarkozy ? Ah non, Dieu, c'est Dieu. Ah, le vrai Dieu, vous voulez dire ? Mais bien sûr, il n'y a pas de Dieu en ville de Neuilly. Il n'y a pas de Dieu en ville de Neuilly. Moi qui croyais qu'il était partout, je suis quand même un petit peu surpris. Pour conclure, j'ai cherché une autre habitante qui n'était pas protégée pour me livrer à une petite expérience concernant le fameux abus de faiblesse. Bon, si moi je monte un parti politique demain, est-ce que vous me financez un peu quand même ? Je n'ai pas les moyens. Allez, quelques centimes, quelques euros. Ce que j'ai dans ma poche, vous voulez ? Oui. J'ai quelquefois quelques pièces. Et là, ah non, c'est pour faire vos courses, pour prendre le caddie au Monoprix. Ah oui, je ne vais pas aller loin avec ça. Non. Vous avez quand même voulu me donner ? Parce que c'est vous. Oui, vous êtes sympathique, donc voilà. Ah mais voyez, mais il faut vous méfier. Je suis prise dans l'engrenage. Ah bah oui, mais ça commence comme ça. Hein. Voilà, vous avez raison, ça commence comme ça. Et oui, ça commence comme ça et on ne sait pas comment ça se termine. Verdict définitif dans quelques jours. En parallèle, on connaît celui du procès de deux individus qui ont volé des denrées alimentaires périmées dans une poubelle à Montpellier. Ils ont été déclarés coupables. Et des pauvres qui volent des ordures, ça me paraît bien plus préoccupant que des ordures qui volent des riches. Oh, joli, merci Guillaume Meurice. Guillaume qui a quand même commis ou failli commettre un abus de faiblesse caractérisé sur des vieilles dames de Neuilly en réalisant un reportage sur l'abus de faiblesse. J'ai même failli récupérer du pognon, c'est ça qui est incroyable, mais elle avait qu'un jeton de caddie. Hashtag annule tout, il y a quelqu'un qui nous dit c'est de l'abus de couche confiance que vous avez fait. Qui est ce quelqu'un ? C'est Gaston ce quelqu'un. Très bien sûr, hashtag annule tout, vous êtes sur France Inter, il est 17h50 et nous sommes avec Gunther Love en l'absence de ses Hernadettes. Oui. Attention. Ce ne sont pas mes Hernadettes, attention, c'est pas parce qu'on a l'impression de parler de Claude François et des nanas qui se gesticulent. Ce sont mes partenaires de crime, attention. Des Hernadettes. Oui. Et là, ceci devrait vous parler, attention. Ah bah oui, les Strokes. Ah bah oui. Forcément. Et alors là, par exemple, ça donnerait quoi ? Ça donne rien du tout. Je vous rappelle que c'est une émission de radio. Ah hein ? C'est vrai. Donc, on va vous écouter faire du air guitare sur The Strokes, ce qui nous permettra d'écouter complètement The Strokes sur France Inter jusqu'à 18h avec Gunther Love. Last Night sur France Inter avec Gunther Love. On brasse l'actualité. Alors je rappelle que vous serez dans le live extraordinaire de M. Derrière les planches, hein. Je serai en organisation, plus en direction artistique. Ah voilà, profit du Secours Populaire, toutefois au Zénith de Paris avec le Mathieu 30 Chédy. Mai. Exact. Et puis en tournée avec les Hernadettes, comédie musique culte, notamment le 10 mars à Mérignac, en tournée dans toute la France et à Paris le 9 octobre au Trianon. Et en attendant, vous êtes là en tant qu'expert. Expert, oui. Pour analyser avec nous le troisième sujet, et notamment les Oscars. Cette nuit, attention, concentrez-vous. Je me concentre. Les Oscars. Cette nuit, on a eu un nouvel aperçu du savoir-faire américain en matière de show. Un style légèrement plus enlevé que les Césars. À part ce sketch magique où Sean Penn reçoit un César d'honneur des mains de Marion Cotillard. On change rien, là. C'est parti. Au-delà d'avoir été transportée par la puissance de cette histoire... Je suis sortie de ce film bouleversée avec cette sensation magique de vous avoir oublié. Et cette sensation, on l'a avec les plus grands. Cette sensation, on l'a avec vous chaque fois que vous apparaissez ou plutôt que vous disparaissez contre moi. Toute votre humanité, tout votre amour. Merci à Benjamin Riquet pour ce magnifique mix. Sachez qu'on rediffuse régulièrement dans cette émission la parodie de Marion Cotillard au César par Doria Tillier, Miss Météo, ex-Miss Météo de Canal+. Et là, disons que Marion Cotillard a réussi à surpasser sa parodie. Oui, ouais, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Donc, a priori, on peut dire que... On a pris quoi, 25 secondes d'un discours qui a duré... Oui, je crois qu'il y a eu une histoire de badminton à un moment donné. Je voyais des trucs passer. Sa tenue, elle était habillée comme un volant de badminton. Ah, ok, je comprends le détournement. Ou de Derviche Tourneur, très bon, pas. En tout cas, ces gens sur Internet sont exceptionnels. Non, mais c'est... Alors, on se demande, il y a un mystère Marion Cotillard, ou alors elle a pas inventé le film à couper le beurre. C'est vous qui avez utilisé cette expression. Alors, est-ce que vous regardez un peu les Césars ou vous trouvez ça terriblement emmerdant? Est-ce que vous regardez un peu les Oscars? Est-ce que vous faites le comparatif des deux ou il faut pas le faire? Alors, je vais faire le mec super rock'n'roll, mais alors pendant les Césars, j'étais sur scène avec Hernadette dans le nord de la France, donc du coup, j'ai pu assister qu'à la fin des Césars, et les Oscars, je dormais comme une personne normale. C'était beaucoup trop tard, et vu que j'ai un enfant en bas âge, il fallait que je sois d'attaque le matin. Cela étant, j'ai regardé les vidéos sur Internet, j'ai pu assister à la fin des Césars, et moi je suis un gros fan d'Edouard Baird, donc je trouve que c'est quand même un maître de cérémonie qui me donne envie de regarder des cérémonies. Après, c'est sûr que de regarder des gens qui se remercient, bon bah c'est super, mais c'est vrai que ça pourrait nécessiter un peu plus de rythme. Mais après, je ne sais pas à quoi les Français s'attendent quand ils regardent des trucs comme les Victoires de la Musique ou les Césars. Évidemment, c'est une cérémonie, donc évidemment ça prend du temps, c'est comme une remise de diplôme. Quand on va chercher son diplôme à l'université, c'est chiant à mourir. Mais c'est ça, c'est juste que là, on voit des gens très bien sapés. Je ne sais pas à quoi. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Je sais pas. Non plus. On lance un appel. Faites quelque chose. Mais c'est vrai qu'Edouard Baird a été brillant et ce n'était pas évident dans la situation. Et dans les remerciements américains sont limités et c'est peut-être ça la bonne solution. Ouais, il était excellent en tout cas. Allez, une dernière petite revue de presse. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti. Win. Yes. What do you want? Me to go back. Needs a no to win. No, there's no problem. News au kilo. There is a bit more. Je vous le mets? Again the no. En Grèce, la gauche de Syriza, attention, s'insurge contre les accords pris par Tsipras avec Bruxelles. Alors voilà. En Grèce, il y a une aile gauche à la gauche de la gauche. Oui, ça prouve qu'il peut y avoir des frondeurs parmi les frondeurs. Mais si on s'oppose à la fronde, alors on vire à droite. Ben non, parce que quand une aile gauche rame à la gauche de la gauche, on tourne en rond. On reste dans l'international avec le président du GIEC, le groupe d'experts sur le climat, qui est accusé de harcèlement sexuel. Il s'agit de l'Indien Rajendra Pachauri. Oui, le GIEC, c'est un peu le FMI du climat, en fait. C'est ça, à peu près. Ouais. Donc le type, c'est un peu le DSK indien, quoi. À peu près, ouais. Ouais, ok. Bah écoutez, j'annule ma réservation au Carlton de Bombay. Et je termine par une information belge. Le quotidien économique L'Écho annonce qu'à partir du 1er juin, les dons d'argent de main à la main d'un parent à un enfant pourront être considérés comme de la fraude fiscale. Ça appartient... Non. Donc si votre fils tond la pelouse, vous devriez le déclarer au fisc. C'est ça. Et j'ai une solution. Vous lui faites tondre la pelouse et puis vous ne le payez pas. Comme ça, vous n'aurez aucun problème. Merci, nous étions en compagnie de Gunther Love. On rappelle que la comédie musique culte avec Léa Hernadette, on peut la voir, elle est en tournée dans toute la France et à Paris le 9 octobre au Trianon. Le live extraordinaire de M, où vous faites du métage en scène, comme vous dites. Ouais, c'est pas vraiment du métage, mais on se met d'accord sur la direction artistique. Ouais. Voilà, à Paris le 30 mai au Zénith, au profit du Secours Populaire. Et puis on peut vous croiser aussi parce que vous êtes comédien. Et, oui, bah, demain, d'ailleurs, je commence un truc pour France 2 qui sera diffusé cet hiver, qui s'appelle Mystère à la Tour Eiffel, avec Aïssa et Maïga ou encore Michel Jonas. Donc c'est mon premier jour de tournage, j'espère que je ne vais pas être trop pourri. Ah bah super, bon, on retrouvera notamment sur France 2. Et on vous laisse avec Marion Cotillard, qui a fait quand même la meilleure vanne des Césars. Je suis sortie de ce film bouleversée.